c'est une histoire peu banale. Stoppez mon cri et long discours, voici l'histoire du petit Charles, qui n'avait alors que 15 ans lorsque son cœur fut prisonnier. Ça s'est passé près du figuier, le grand figuier du père Cazan. Elle était belle, elle était jeune mais pas d'hier, étudiante en droit, bergère saisonnière. Elle gardait un beau troupeau de 7 brebis et 3 agneaux. Juliette de son prénom, elle avait 20 printemps, un sourire angevin et les cheveux châtains. Aucun homme passant en ce chemin ne pouvait la manquer, pas vraiment Dian. Quand elle aperçut le voyou, elle lui indiqua d'approcher. Que fais-tu là, petit canaillou? On regarde déjà les filles bronzées. Elle donna rendez-vous le soir même, Charles était devenu tout blême. Des gamins sans expérience pour mériter cette putain de chance. Elle était belle, elle était jeune mais pas d'hier. Elle était riche, fille de notaire. Mais elle aimait la vodka pure, oui les jus frits mais pas nature. Elle était seule, manque de tendresse. Elle oubliait tout ça dans l'ivresse. Petit en passant ton ce chemin, tu ne l'as pas manqué, petit malin. Elle était jeune mais pas d'hier. Elle était riche, fille de notaire. Mais elle aimait la vodka pure, oui les jus de fruits mais pas nature. Elle était seule, manque de tendresse. Elle oubliait tout ça dans l'ivresse. Petit en passant ton ce chemin, tu ne l'as pas manqué, petit malin. Puis la nuit vint à tomber, Juliette attendait son Roméo. Il préparait déjà son grand show, un grand bouquet de fleurs parfumées. Charles rejoignant sa causère passa sur les terres du père Cazan. Pris pour un bien de voleur de bêtes, le vieux prit son fusil et le liquida froidement. Elle était belle, elle était jeune, mais plus hier. Elle était morte, cadavre de saison. Elle s'est tuée par pendaison, par désespoir en plein hiver. Chemin, l'ont tous pleuré.